Variable du Val-de-Loire à l'Île-de-France et aux Ardennes, temporairement de belles éclaircies, puis le temps deviendra instable avec quelques averses. Ce temps variable est déjà installé en Bretagne et sur les côtes de la Manche, où le vent de nord-ouest fait des pointes de 70 km à l'heure. Nuages de plus en plus nombreux sur le Midi-Pyrénées, encore du soleil vers la Méditerranée. Il fera dans l'après-midi de 15 degrés à Rouen, à Strasbourg, à 26 à Perpignan. Demain, température en baisse pratiquement partout. Pour le matin, seulement 6 degrés prévus à Grenoble et à Limoges. Le maximum de la journée ne sera que de 11 degrés à Besançon et à Clermont-Ferrand, 14 à Tarbes. Il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour trouver des températures encore clémentes, 23 degrés à Nice. Mais le vent soufflera fort autour du golfe du Lion, rafale de 90 km à l'heure. Un ciel variable avec averses prédominera demain, averses fréquentes dans le nord, dans l'est et en montagne, où elles seront neigeuses à partir d'une altitude de 1500 mètres en moyenne. Merci Jacques Esler. Vous écoutez France Inter, il est 13h20. Et à la veille des négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, Transeuropéenne ce soir, le magazine européen de France Inter, vous propose à 19h30, une émission spéciale Chypre-Turquie. Qu'est-ce qui coince entre les deux pays? Pour en savoir plus ce soir, rendez-vous 19h30 sur France Inter. Et tout de suite, rendez-vous avec X et Patrick Pénaud. Le sujet dérange. C'est sans doute pourquoi on en parle peu, mais beaucoup plus que l'aspect religieux, c'est l'importance du fait mafieux qui devrait faire réfléchir partisans ou adversaires de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Depuis longtemps, en effet, ce pays moderne et constitutionnellement laïque, qui connaît par ailleurs de remarquables succès économiques, est pénétré par une puissante mafia. Une ou des organisations criminelles quasi invisibles, mais qui ont infiltré les sphères économiques et politiques. Et il faut y voir l'une des explications, peut-être la plus importante, de la victoire électorale des islamistes modérés fin 2002. L'AKP, c'est-à-dire le Parti de la Justice, est en effet apparu aux Turcs comme étant l'une des seules forces politiques qui ne soit pas gangrénée. Comment en est-on venu là? Pourquoi les mafieux ont-ils peu à peu imposé leurs lois? Monsieur X propose cette semaine son explication. On va en particulier croiser dans ce nouvel entretien une redoutable organisation, les loups gris, au confluent du banditisme, du terrorisme et du nationalisme. Il faut rappeler que c'est un loup gris, Ali Aksa, qui a tiré sur Jean-Paul II en mai 1981. Une tentative d'assassinat qui demeure encore aujourd'hui mystérieuse. Monsieur X a son idée sur le sujet. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour commencer, je voudrais parler d'un accident d'automobile. Pourquoi pas? Il s'est passé donc le 3 novembre 1996 en Anatolie, à Susurluk, très exactement. Une grosse Mercedes blindée s'est encastrée dans un poids lourd. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Les routes sont très dangereuses en Turquie. C'est juste, oui. Trois des occupants de l'auto sont tués. Un quatrième est grièvement blessé. Mais c'est l'identité des passagers qui est intéressante. Leur identité, mais aussi tout ce que contient cette voiture. Je vous écoute. L'un des morts est directeur adjoint de la police d'Istanbul. Président de l'Académie de la police, cet homme a créé des unités spéciales chargées de lutter contre les Kurdes du PKK. Des unités, m'avez-vous dit un jour, qui usaient de méthodes très musclées, et recrutaient à l'extrême droite et chez les gangsters. C'est parfaitement exact, oui, de véritables escadrons de la mort. Et justement, le deuxième passager, un certain Abdullah Katli, est un mafieux recherché par Interpol et en principe par la police turque. Alors, un mafieux qui voyage en compagnie d'un policier haut gradé. Un parrain de la mafia qui a un passé très chargé. Katli, tout en collaborant avec les forces de l'ordre dans la lutte contre les terroristes du mouvement communiste Defsol et ceux de l'organisation arménienne Asala, s'est livré au trafic de stupéfiants et a commis un certain nombre d'assassinats. Ça lui a valu d'être emprisonné en Suisse. Mais alors qu'il était enfermé dans une prison de haute sécurité, il a réussi à s'évader. Sans doute grâce à la complicité de membres des services secrets turcs. Il a gagné son pays alors? Clandestinement, oui. Mais on reparlera de lui, car ce gangster était aussi un membre éminent de cette mystérieuse organisation, les Loups Gris. Alors, bon, continuons, on verra ça après. Parmi les passagers tués, il y a aussi la maîtresse de Katli, une ancienne miss. Mais c'est surtout la personnalité du quatrième qui est étonnante. Cet homme, Sedat Boukak, grièvement blessé dans l'accident, est en effet un homme politique. Un député appartenant à la formation du parti au pouvoir, le parti du Premier ministre, Madame Tansu-Siller, le parti de la juste voie. Un parti conservateur. Oui, j'ajoute que ce député d'origine kurde est une sorte de seigneur féodal, chef d'une puissante tribu anatolienne. Il dirige une milice de plusieurs centaines d'hommes qu'il met au service de l'armée dans ses opérations contre les indépendantistes kurdes. Bien qu'il soit lui-même kurde. En effet, cette milice lui permet aussi de contrôler les trafics dans cette région reculée. Quelle sorte de trafic, Oh, bah, la drogue, la contrebande, les êtres humains. Donc ce député est lié à la mafia. Incontestablement, oui. Et que trouve-t-on alors dans la voiture accidentée? Des armes, de la drogue et plusieurs vrais faux papiers. Katli disposait par exemple de 6 cartes d'identité établies à des noms différents. Il possédait aussi un passeport officiel et un permis de port d'armes. 2 documents signés par Mehmet Aga, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tansu-Siller. Un homme qui a été aussi directeur de la police nationale. Ce Katli a été puissamment protégé. Et ses protections se prolongent après sa mort, si je puis dire. Ses obsèques sont suivies par une foule impressionnante et le Premier ministre, Madame Siller, n'hésite pas à déclarer que c'était un héros. Alors que, si je vous entends bien, c'était d'abord un gangster. Quoi qu'il en soit, l'affaire de l'accident de Susurluk fait scandale. Pourquoi? Parce qu'elle met en évidence la collusion entre la police, la mafia et les politiciens. Évidemment. Mmh. Et la presse se déchaîne. Elle exige la vérité et une véritable enquête sur ces rapports troubles. Des rapports qu'on soupçonnait depuis longtemps, mais qui demeuraient jusqu'alors discrets. Ouais. Résultat? Pas grand-chose. Certes, Agar doit démissionner, mais le pouvoir se débrouille pour étouffer peu à peu le scandale. Et au cours du procès qui suivra, seuls seront condamnés à de légères peines de prison 2 officiers appartenant au service secret et aux forces spéciales. Quant aux 2 principaux personnages mis en cause, le député Sedat Boukak et l'ancien ministre de l'Intérieur, Mehmet Agar, ils passent à travers les mailles du filet. Boukak sera même réélu député avant d'être balayé par la vague islamiste de 2002. En tout cas, cette affaire aura quand même jeté un coup de projecteur sur la corruption du monde politique turc. Et sur un système qui a réussi, au fil du temps, à gangréner la plupart des organes dirigeants en associant étroitement nationalisme et mafia. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut peut-être remonter en arrière. Au départ, il y a un homme au nom symbolique, Alparslan Türkes, un personnage qu'on a aussi appelé le Başbuğ, c'est-à-dire le chef, le Führer. Et je n'emploie pas ce dernier mot au hasard. Parce que ce Turquès, là, était un émule de Hitler? Oui. Ah, voyons ça d'un petit peu plus près. Ouais, ouais. Turquès est né à Chypre, pendant la Grande Guerre. Après des études militaires, devenu officier, c'est un partisan résolu du rapprochement entre la Turquie et l'Allemagne nazie. Et il applaudit à la signature, en 1941, du traité d'amitié entre les deux pays. Et il est pro-nazi, hein? Absolument. Il plaide pour l'instauration d'un régime totalitaire en Turquie. Et à l'imitation de Hitler, le pan-germaniste, il se veut, lui, l'apôtre du pan-turquisme. C'est-à-dire l'unité de tous les turcophones qui sont nombreux dans les républiques d'Asie centrale de l'URSS. Une idée qui sera d'ailleurs reprise beaucoup plus tard par les nationalistes turcs qui iront jusqu'à fomenter des troubles dans ces pays. Mais revenons à Turquès. À la fin, donc, de la Seconde Guerre mondiale, il a forcément quelques ennuis avec la justice et doit répondre d'activités racistes. Contre ? Contre tous ceux qui ne sont pas des vrais Turcs. Les Juifs, les Arméniens, les Kurdes. Mais c'est une simple parenthèse. À la fin des années 50, Turquès accède au grade de colonel. Et en 1960, il est partie prenante d'une tentative de putsch contre le régime. Tentative réussie ? Oui. Derrière se trouvent des nationalistes comme Turquès, mais surtout de jeunes officiers qui ne veulent pas que soient remises en cause les avancées de la révolution kémaliste. Oui, c'est-à-dire l'héritage social et laïque d'Atatürk. C'est ça. Ouais. Et ces militaires vont d'ailleurs procéder à un certain nombre de réformes sociales, très importantes. Mais pour Turquès et ses amis, qu'on appelait aussi les pantouranistes... Ouais, c'est-à-dire les panturquistes, quoi. Mais oui, pour ces gens, il faut aboutir à l'édification d'un régime dictatorial et nationaliste. Mais en désaccord avec les officiers au pouvoir, Turquès doit s'exiler en toute hâte et il est renvoyé de l'armée. À l'étranger, il en profite pour prendre contact avec des néo-nazis allemands avec lesquels il monte une filière d'armes. Et dans quel but, là? Il pense déjà à créer une milice, sa milice, qui deviendra plus tard le creuset de l'organisation des fameux loups gris. À l'époque, il a sans doute aussi des rapports avec une structure appelée l'Organisation de Contre-Guérilla. Et ça, qu'est-ce que c'est, hein? Une sorte de gladio à la turque. Ah ouais, gladio. Gladio, il faut le rappeler, hein, c'était une série de noyaux militaires initiés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire éventuellement échec à une invasion soviétique. C'est bien ça. Oui, oui. Et les réseaux gladio ont été créés dans la plupart des pays affiliés à l'OTAN. Et comme ils ont largement recruté dans les milieux les plus anticommunistes, un type comme Turquès se trouvait presque naturellement proche de ces gens. En tout cas, dès 1964, il est de retour en Turquie et à la faveur de la démocratisation, il entend bien s'occuper à nouveau de politique. Mmh. Comment cette fois-ci, hein ? Turquès va jeter son dévolu sur un petit parti existant. Le Parti Républicain Paysan. Mmh. Afin de l'infiltrer. Bah, bien sûr, et d'en prendre la tête. Mmh. Et ça marche, ça? Oui, oui. Et même si les débuts électoraux de Turquès sont assez ridicules, son parti n'obtient que 2% des voix en 1965. Ça permet au Pazboug de devenir député. Oui, c'est-à-dire d'avoir une tribune. Et il en profite pour propager ses idées extrémistes. Un seul exemple. Violemment hostile aux revendications des Kurdes, il déclare, par exemple, si ces derniers veulent une patrie, qu'ils la trouvent en Afrique. Eh ben. Et sinon, qu'ils aillent s'informer auprès des Arméniens. Mais c'est presque un appel au génocide des Kurdes, ça. Ouais, ouais, charmant personnage, ce Turquès. En effet, ouais. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Turquès, digne émule d'Adolf Hitler, se proclame guide suprême de son parti, bien sûr, qui devient le parti du mouvement national et crée sa milice, les loups gris. Des jeunes gens promptes à en découdre par la force avec leurs adversaires. Des expéditions souvent meurtrières sur les campus. Et ça, ça n'est qu'un début. Thank you. Saint-Air, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Amit Bozarslan a publié à la découverte un petit livre très précis sur l'histoire de la Turquie contemporaine. J'en extrais ces lignes. La principale formation de la droite radicale, le Parti d'Action Nationaliste MHP, fondé le 9 février 1969 sur les bases d'un ancien parti déjà contrôlé par Türkeş, voire structuré autour de sa personnalité et de ses idées, s'inscrivait ouvertement dans la tradition pan-touraniste des années 1940. Sa devise était « leader, doctrine, organisation ». Ses slogans étaient simples, un État turc homogène qui devait se fixer comme objectif la constitution d'un empire turc allant de l'Adriatique à la Chine, une nation organisée sur une base corporatiste et militaire, dirigée par son Bazbug, et enfin une nation armée fondée sur la base des neuf lumières, nationalisme, idéalisme, moralisme, socialisme, scientisme, etc. Si Atatürk constituait l'une des références du mouvement, il n'était pas le plus important. Avec le Bazbuk Türkes, c'était surtout les figures mythiques de l'Asie centrale qui ornaient ses vitrines. Activement soutenue par une partie de l'armée et de la police contre la gauche, tolérée par le pouvoir, elle se dota rapidement d'une force de frappe, les loups gris. Et plus loin, Borzlan écrit encore, Alparslan Türkes ne contrôlait sans doute pas tous les agissements de son courant, mais donnait le feu vert à ces loups gris qui perpétraient homicides et pogroms. Toute dissension au sein de son mouvement était sévèrement sanctionnée. « J'ai embrassé la cause, disait le Bazbug, et j'avance sans me soucier de quoi que ce soit. Suivez-moi, mais abattez-moi si je fais demi-tour. Abattez toute personne qui fait demi-tour après avoir rejoint la cause. » En Turquie, les années 70 sont marquées par la violence. Au terrorisme des mouvements kurdes et d'extrême gauche, les loups gris répondent par des attentats et des affrontements dans la rue et qui font de nombreuses victimes. Toutefois, malgré cet activisme fasciste, Türkes accède à une sorte de respectabilité. Et en 1975, il est même nommé vice-premier ministre du gouvernement conservateur de Süleyman Demirel. On lui confie alors la police et l'éducation. Ah, ça, c'est un poste clé pour un extrémiste. Bah, évidemment, surtout pour un homme qui affirme publiquement « Nous devons exterminer les Kurdes, les Arméniens, les Arabes et les Juifs ». Au moins, c'est clair. Hein. Türkes reste 2 ans au gouvernement. Mais il soutient les conservateurs qui restent au pouvoir. Et pendant ce temps, les loups gris perpètrent de véritables massacres au Kurdistan. L'organisation paramilitaire de Türkes agit alors en milice sous-traitante des forces de l'ordre. Au cours de cette décennie, le pays vit dans un perpétuel état de violence. Et le bilan humain est très lourd. 5000 morts et presque 20 000 blessés. Ouais, attendez, tous ces morts ne peuvent pas être seulement imputés aux loups gris. C'est vrai, mais les massacres de masse contre les minorités ethniques ou religieuses sont souvent de leur fait. C'est aussi à cette époque que la dérive mafieuse commence et que les loups gris se lancent dans le trafic de la drogue. Mais on va y revenir. Parce que c'est chez eux que vont apparaître plusieurs parrains, dont ce Gatli, mort dans l'accident de voiture de Susurluk. Mais terminons-en d'abord avec Türkes. En 1980, les militaires qui ont toujours exercé une sorte de tutelle sur le pays provoquent un nouveau putsch. Ouais, pour remettre de l'ordre, j'imagine. Ah, c'est toujours le prétexte. Oui, c'est toujours le prétexte qu'ils invoquent, effectivement. Ouais. Ils décrètent donc l'état de siège. Exécute une 50aine d'opposants, essentiellement de gauche, en enlève plusieurs centaines d'autres qui seront systématiquement torturés et dont certains ne reparaîtront jamais. Enfin, 600 000 personnes sont placées en garde à vue et plusieurs dizaines de milliers d'autres sont emprisonnées. Eh ben, et Turquès, hein ? Il est arrêté, comme tous les autres dirigeants politiques. Et il a du mal à comprendre. Et pourquoi ? Parce qu'il pense, non sans raison, que ces militaires ne font qu'appliquer son programme et mettent en pratique son idéologie nationaliste et xénophobe. Car, bien évidemment, la junte au pouvoir accentue encore la répression contre le séparatisme kurde. Ouais, on lui a piqué son programme. Il se sent floué. Mais les putschistes ne sont nullement décidés à partager le pouvoir. Et Turquès va rester 4 ans et demi en prison. Et il ne reprendra ses activités politiques qu'en 1987. Toutefois, malgré cet effacement relatif, ses fidèles n'ont cessé de continuer à infiltrer les milieux mafieux et toutes les structures de pouvoir, notamment les services spéciaux. Et lorsque cet extrémiste meurt d'une crise cardiaque en 1997, ses funérailles sont quasiment nationales et de nombreux dignitaires du gouvernement viennent lui rendre hommage. Mmh. Dire que son influence dépassait largement sa représentation parlementaire. Effectivement, encore que, après sa mort, son parti devient la deuxième force politique du pays avec presque 18% des voix. Ouais. Malgré le scandale de Susurluk. Oui, l'ancien ministre de l'Intérieur compromis dans cette affaire, Mehmet Agar, est toujours un homme politique avec lequel il faut compter. Lorsqu'il a marié sa fille en 1998, tout le gratin politique turc se pressait à la fastueuse réception qui a suivi. Et c'est pourtant ce politicien qui a été désigné la même année par l'Observatoire géopolitique des drogues comme étant le principal dirigeant du trafic d'héroïne. Un trafic considérable. Les spécialistes estiment que 75% de l'héroïne vendue en Europe est fournie par la mafia turque. Ouais, ça doit générer des sommes énormes. Ah bah, bien entendu, il y en a pour des milliards de dollars. Et la pieuvre mafieuse a lancé des tentacules en Europe, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne. La mafia turque s'est implantée durablement. Scotland Yard a récemment déclaré que c'est l'organisation criminelle la plus meurtrière opérant au Royaume-Uni. Car bien sûr, cette implantation se traduit par de nombreux règlements de compte. Contre les autres mafias ? Naturellement. Ouais. Les Pakistanais et même les Albanais. Mais ce sont les Turcs qui ont pris le dessus. Et leurs parrains ont souvent l'apparence de riches et respectables hommes d'affaires. Mmh. Et en France alors ? Notre pays ne laisse pas indifférents les mafieux turcs. Un seul exemple. En 1998, un ancien lougris, un certain Alaaddin Kakissi, est arrêté à Nice. Ce personnage, présenté parfois comme étant le parrain des parrains, est alors recherché en Turquie, où il est accusé d'avoir attenté à la vie d'un journaliste et d'un directeur de banque et d'avoir exécuté quelques-uns de ses lieutenants. Au total, on le soupçonne d'une quarantaine d'assassinats. Il a même éliminé sa propre femme. C'est pas rien ça, mais pourquoi ? Elle était trop bavarde. Donc Kakissi est arrêté. On trouve sur lui une grosse somme d'argent en liquide, mais surtout 4 passeports, dont un diplomatique, qui a été signé par un responsable des services secrets turcs, le MIT. Mmh. Un document authentique, donc. Encore un vrai faux papier. Ah, oui. Presque simultanément, de mystérieuses cassettes sont rendues publiques. Ce sont des enregistrements de conversations téléphoniques entre Kakissi et les politiciens au pouvoir. Nouveau scandale, alors. Et le gouvernement turc finira par démissionner. Ouais. Et Kakissi, là, reste emprisonné en France ? Oui, car il refuse d'être extradé. Ah oui, il veut pas être jugé dans son pays, quoi, c'est ça. Car il risque la peine de mort. Mais curieusement, fin 1999, il accepte son extradition. Pour quelle raison ? Un nouveau gouvernement vient d'être nommé à Ankara. Un gouvernement de coalition où entre l'extrême droite. Et le revirement de Kakissi ne doit rien au hasard. Oui, parce qu'il estime qu'il court maintenant moins de risques avec exactement. Ce nouveau... Oui, il a obtenu du nouveau pouvoir de ne plus être jugé pour assassinat. C'est à l'évidence une nouvelle preuve de l'intrication entre les milieux politiques et la mafia. À noter que toutes les opérations main propre promises par les gouvernements successifs n'ont jamais été suivies d'effet. Et il ne faut pas s'étonner si en 2002... les Turcs, excédés par la corruption, ont finalement choisi de porter au pouvoir les islamistes d'Erdogan, en espérant que ces derniers réussiront à balayer les corrompus. Mmh. Un espoir réaliste, à votre avis ? Une mission quasi impossible, tant la mafia a infiltré les services de sécurité. Et seule l'armée, qui demeure toute puissante, malgré l'accession au pouvoir des islamistes... Les islamistes sous surveillance, quand même. Hein. Oui, donc seule l'armée pourrait donner le coup de balai décisif. Il faut pas oublier que beaucoup de militaires ont fricoté avec les franges les plus nationalistes, et même avec les lougris, dès lors qu'il s'agissait de lutter contre les indépendantistes kurdes. Ouais. Les loueries qui ont fait, en somme, le sale boulot. Ouais, et tout ça, ça crée un réseau de complicité qui n'est pas facile de rompre. L'idéologie de Türkes reste d'actualité, surtout concernant ce qu'on appelle le pantouranisme. Il n'y a pas si longtemps, en 1995 par exemple, des nationalistes turcs très proches des loups gris ont participé à une tentative de putsch en Azerbaïdjan. Et le gouvernement turc de l'époque a vraisemblablement encouragé cette initiative. Mais, et c'est là où je veux en venir, c'est en 1981 qu'on a réellement découvert l'existence des loups gris. 1981, c'est l'année de l'attentat contre le pape. Hein. Bien sûr, car vous le savez bien, l'homme qui a tiré sur Jean-Paul II était un loup gris. En fait, là, pourquoi cette appellation loup gris, hein, ça vient d'où ça? Oh, elle tire sans doute son origine d'une légende. Les Turcs auraient été conduits en Asie mineure par une horde de loups. Mais il existe aussi une autre explication. Les loups gris de la deuxième moitié du XXe siècle seraient les héritiers directs d'une société secrète pro-nazie créée par l'ambassadeur de l'Allemagne hitlérienne au Vatican, Franz von Papen. Mais revenons à l'attentat contre le pape. Incontestablement, Mehmet Ali Aksa appartenait à l'organisation des loups gris. Mais pour qui roulait-il, si vous me permettez cette expression triviale? Inter, rendez-vous avec X. La toute-puissance de l'armée turque, a dit Monsieur X. En effet, depuis Atatürk, ce sont les militaires qui tirent les ficelles. En témoigne cet article publié en décembre 2002 par Le Monde, sous la signature de Marie Jégon. En Turquie, c'est l'armée qui décide des grandes orientations de la politique étrangère et détermine les règles du jeu politique. À trois reprises par le passé, elle est intervenue brutalement. En 1960, 71 et 1980, au nom de la sécurité nationale. Au quotidien, l'armée contrôle la vie universitaire par l'intermédiaire du Conseil de l'enseignement supérieur et surveille les médias par le biais du Haut Conseil de la radio et de la télévision. Elle est un acteur économique de poids qui investit tant dans l'agroalimentaire que dans l'automobile. Enfin, éloignée des querelles et des scandales inhérents aux partis politiques traditionnels, largement discrédités auprès de la population, l'armée est une valeur sûre, certainement l'institution la plus respectée. Ses recommandations édictées lors de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité, composée de 4 représentants du pouvoir civil et de 5 généraux, sont prioritaires selon la constitution issue du coup d'État de 1980, toujours en vigueur. C'est le 13 mai 1981 que Mehmet Ali Aksa tire à 2 reprises sur le pape. Et échoue de très près hein, dans sa tentative d'assassinat. En effet, car Jean-Paul II a été très grièvement blessé. Bon, je ne reviens pas sur les circonstances de l'attentat, elles sont encore dans toutes les mémoires. Et on en a beaucoup reparlé à l'occasion de la mort du pape. Rappelons simplement qu'Ali Aksa aurait très bien pu disparaître au milieu de la foule des pèlerins si une athlétique bonne sœur n'avait empêché sa fuite. Arrêté et détenu par la police italienne, le jeune homme affirme qu'il agit seul. Et pourtant un complice. Oui, un certain Selik qui sera plus tard retrouvé en France. Quoi qu'il en soit, après une enquête expéditive, Ali Aksa est jugé 2 mois plus tard et condamné à la prison à perpétuité. Et il s'en est tenu à sa première version. Une version qui paraît plausible. 2 ans plus tôt, à la veille de la visite du pape en Turquie, il a envoyé des lettres de menace à Jean-Paul II, qu'il accusait d'être le commandant masqué d'une nouvelle croisade. C'est-à-dire qu'on croit au geste d'un jeune homme un peu dérangé. Oui, d'autant qu'Ali Aksa simule à la perfection la folie, mais il y a son passé. Alors, son appartenance à l'organisation des loups gris. C'est ça. Et on apprend qu'en février 1979, Ali Aksa a assassiné en plein Istanbul le rédacteur en chef d'un journal libéral. Là encore, on pourrait imaginer le geste d'un tueur isolé. Mais la suite dément cette hypothèse. Ali Aksa, arrêté et emprisonné à la suite de cet assassinat, arrive à s'évader. Et de toute évidence, c'est un commando des loups gris qui lui a permis de s'échapper. Et leur chef, était certainement ce Kathleen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Kathleen, c'est-à-dire le parrain mort dans l'accident de Sussurluk. C'est ça, oui. Donc après ces révélations, il est difficile de croire qu'Ali Aksa agit seul. D'autant que pour venir en Italie, cet assassin recherché par toutes les polices a forcément bénéficié de complicité. Mmh. Mais pourquoi les loups gris auraient-ils eu intérêt à tuer le pape? C'est bien la question, hein? Exactement. D'où l'idée qu'il pourrait s'agir d'un complot. Les loups gris ayant rempli un contrat pour une autre organisation ou même un État. Ouais. Et immédiatement, on regarde vers l'Est, hein, où le soutien de Jean-Paul II aux contestataires polonais commence à sérieusement agacer. Hein. Et c'est naturel. Et étrangement, c'est Ali Aksa lui-même qui va orienter dans cette voie tous ceux qui cherchent à comprendre. Et d'abord les policiers italiens, bien sûr. Mais comment vient-il là, alors? Franchement, je n'en sais rien. Mais il n'est pas exclu que d'aucuns, le visitant en prison, lui est suggéré de parler et de désigner des commanditaires. Mais si je vous entends bien, pas forcément les vrais commanditaires. Bah, il faut noter qu'Ali Aksa, après avoir soutenu au cours de son procès qu'il a agi seul, ne tarde pas à se contredire. Quelques mois seulement après son procès, il met d'abord en cause la mafia turque. Mafia qu'il doit bien connaître, hein, en tant que loup gris. C'est vrai, mais très vite il accuse les Bulgares. Mmh. Et c'est le début de la fameuse piste bulgare. Hein. Une piste qui mène tout droit à Moscou, puisqu'on sait que la police secrète bulgare est complètement inféodée au KGB. Mais alors, plus précisément... Aksa affirme que deux fonctionnaires de l'ambassade bulgare à Rome, ainsi que le représentant de la Balkanian Air, l'ont cornaqué. Il donne même le nom de ce dernier, un certain Antonov. Et disons-le tout de suite, tout ça paraît assez convaincant. Mais d'abord parce qu'on a envie d'y croire. Hein. Oui, ça c'est du mauvais esprit, M. Pénaud. Non, mais c'est vrai qu'au moment où, aux États-Unis, le président Ronald Reagan vient de relancer la guerre froide, la thèse d'un attentat commandité par le KGB est très séduisante. Bah oui. Et la CIA ne ménage pas ses efforts pour la rendre vraisemblable. L'agence américaine va même alimenter en information crédible une journaliste très connue, Claire Sterling. Mais je me souviens, elle va écrire un livre qui sera un vrai best-seller mondial. Hein. Ouais, le temps des assassins. Ouais. Et Sterling n'y va pas par quatre chemins. Ali Aksa est un tueur qui a été programmé dès son enfance par les soviétiques. C'est bien sûr assez ridicule. Et d'ailleurs, au cours du procès des Bulgares, en 1985, il sera fait justice de ses accusations. Aksa, qui prétend également avoir été mandaté pour tuer Walesa, Bourguiba et le président de Malte... Ah, n'arrête... Non, il n'arrête pas de se contredire, tant et si bien que la piste bulgare s'effondre. Mmh. Les Bulgares sont donc mis hors de cause. Hein. On aurait sans doute pu s'en rendre compte plus tôt. Comment expliquer, par exemple, que cet Antonov, s'il était vraiment le commanditaire de l'attentat, soit resté à Rome, attendant sagement qu'on vienne l'arrêter plus d'un an après les faits? Et un autre Bulgare mis en cause n'a regagné son pays que plusieurs mois après. Et vous pensez que si ces hommes avaient vraiment été coupables, ils seraient partis plus tôt? Bah, pour se mettre à l'abri, bien sûr. Ce que font tous les gens impliqués dans une action terroriste. Ils passent la frontière aussitôt leur forfait accompli. Alors, vous ne croyez pas à la piste du KGB, donc? Attendez, je n'ai pas dit que j'exonérais totalement les services secrets de l'Est. Parce qu'en France, nous savions que des menaces pesaient sur Jean-Paul II. Des menaces de quel ordre, là? À Moscou, on pensait très sérieusement à des moyens de se débarrasser de ce pape qui représentait un danger réel pour le bloc de l'Est et le système communiste. Et nos services avaient discrètement averti le souverain pontife. Mais, vous le savez bien, dans les officines de renseignement, on n'arrête pas d'élaborer des plans. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on passe à l'action. Toutefois, je peux vous affirmer que les services de l'Est ont joué un rôle dans cette affaire. Ah bon? Alors comment? Un petit peu de patience. Et reparlons d'abord des loups gris. Parce que la seule certitude, c'est l'appartenance d'Ali Aksa à cette organisation terroriste et mafieuse. Et au cours du procès de la filière bulgare en 1985, ce Kathleen, dont nous avons déjà beaucoup parlé, vient tout bonnement déclarer que c'est lui qui a fourni à Ali Aksa l'arme utilisée lors de l'attentat. Et il raconte une histoire très troublante. Mais racontez-moi, alors. Abdullah Kathleen aurait été contacté par un service occidental, le BND allemand en l'occurrence, pour impliquer les Bulgares dans une tentative d'attentat contre le pape. Les Bulgares et donc les Soviétiques? Naturellement. Mmh. Et dans cette manœuvre de désinformation, c'est la CIA qui aurait tiré les ficelles. Le but étant de faire apparaître l'URSS comme l'empire du mal, pour reprendre la célèbre expression de Ronald Reagan. Pardonnez-moi, mais ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux, tout ça. Je suis d'accord. Même s'il est vrai que la CIA, je vous l'ai dit, a tout fait pour impliquer le bloc de l'Est et accréditer la piste bulgare. Après l'attentat, hein. Mais pas avant, j'en suis à peu près certain. Par contre, il est à peu près sûr que c'est la CIA qui a donné des tuyaux sur Antonov à l'IAXA alors qu'il était emprisonné. Mmh. Un montage qui a échoué, faute de précision suffisante. Alors, avez-vous une explication? Qui a armé le bras d'Aliaxa? Écoutez, il n'est pas de preuve, seulement une intuition. Les loups gris, nous en avons longuement parlé, étaient devenus au fil du temps une organisation autant mafieuse que politique. Et ils étaient très impliqués dans divers trafics, dans le trafic de drogue. Cette activité faisait qu'ils étaient forcément en relation avec d'autres organisations criminelles. La mafia italienne, par exemple. Oui, sans doute, mais où est-ce que vous voulez en venir, là? Cette mafia d'origine sicilienne avait infiltré les services secrets italiens et le personnel politique, grâce en particulier à la fameuse loge P2. Et elle avait même des relais au Vatican. On s'en rendra compte plus tard, quand éclatera le scandale de la banque Ambrosiano, une banque très proche du Vatican, et un scandale qu'on découvre justement en 1980. Oui, c'est-à-dire l'année de l'attentat contre le pape. Or, cette année-là, Jean-Paul II, qui a succédé à Jean-Paul Ier, mort dans des circonstances qui n'ont jamais vraiment été éclaircies. Un assassinat? Bah, pourquoi pas. Jean-Paul II, donc, commence à réaliser qu'il existe des ripoux au Vatican, ou dans l'entourage de quelques prélats. Et il est bien décidé à nettoyer les écuries d'Augias. C'est alors qu'en mai 81, on lui tire dessus. Et comme vous le savez, je ne crois guère aux coïncidences. Alors, dans cette, votre hypothèse, hein, les loups gris auraient exécuté un contrat pour le compte de la mafia italienne? C'est tout à fait possible, étant donné les liens entre les deux organisations criminelles. Mais, avez-vous dit, ce n'est quand même qu'une hypothèse, hein? Je vous l'accorde. Et pourtant, avez-vous aussi affirmé, les services secrets de l'Est ont joué un rôle dans cette affaire? En effet. Et on l'a découvert après la chute du mur de Berlin lorsque les archives ont commencé à s'ouvrir. Les services de la RDA, dirigés par le célèbre Marcus Wolf, sont venus au secours de leurs homologues bulgares. Ce qui veut dire? Bah, tout comme la CIA s'était forcée de mettre en cause Moscou, Marcus Wolf, lui, a essayé de dédouaner les Bulgares. Mais comment? En initiant une série de manœuvres de désinformation. Lettres, articles de presse, pétitions en faveur d'Antonov, etc. Alors, si je vous entends bien, au fond, c'était la réponse du berger à la bergère. Exactement. Ce sont les services est-allemands qui ont répandu ce bruit impliquant la CIA dans l'attentat contre le pape. Et ma foi, ça n'a pas trop mal fonctionné, puisque certains y ont cru très sincèrement. Jean-Paul II ne s'est jamais exprimé sur l'attentat dont il a été victime, sinon pour affirmer que c'était la Vierge de Fatima qui avait détourné les balles tirées par Aliaxa. Et il n'a en particulier jamais rien révélé de la longue conversation qu'il a eue avec le Turc dans sa cellule, conversation à l'issue de laquelle il a accordé son pardon à Aliaxa. Mais en 1996, pour la première fois, un prélat, ordinairement très discret, le cardinal Casaroli, a déclaré que l'attentat du 13 mai 1981 n'était pas le geste isolé d'un fou. Bref, le Vatican reconnaissait l'existence d'un complot contre Jean-Paul II, sans toutefois désigner plus précisément le cerveau qui se trouvait derrière. L'ancien chef de la police d'Istanbul, Hayvi Kozakcioglu, a lui été plus précis. Aliaxa, en tirant sur le pape, a agi pour le compte des mafias turques, bulgares et italiennes liées aux puissances financières du Vatican. Homme droit, opposé aux pratiques illégales en cours à l'intérieur même du Vatican, le pape gênait, a déclaré ce policier à la journaliste du Nouvel Observateur, Marielle Righini. Une affirmation qui rejoint l'hypothèse de Monsieur X. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même des programmes plus anciens. Alors comme ça, il vous faut un financement pour votre projet de rénovation. Pensez à Vivrelec. Appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126. Prix d'un appel local. C'est quand on croit avoir tout vu qu'on se réserve les plus belles surprises. Vos loisirs, Vous pensiez en avoir fait le tour. Oh, oh, oh, si vous saviez. Des surprises, même les plus blasés vont en avoir au salon des véhicules de loisirs. Toutes les nouveautés en matière de camping-car, caravane, résidence mobile et accessoires vont en étonner plus d'un. Le salon des véhicules de loisirs, c'est jusqu'au 2 octobre, parc des expositions Paris-Le Bourget. Parking, accès bus et RER, navette gratuite. Salon des véhicules de loisirs, en route vers une nouvelle vie. 1976-1977, Françoise Dolto sur France Inter. Il s'agit de rendre un peu de bon sens dans la relation parent-enfant. C'est surtout ça que je voudrais. Vous souhaitez être plus à l'écoute de vos enfants ? Écoutez la psychanalyste Françoise Dolto. Elle vous permettra de rectifier bien des idées fausses sur votre façon d'élever vos enfants, de les comprendre, de les aider à grandir. Françoise Dolto, Lorsque l'enfant paraît, volume 2. Un grand moment de radio dans un coffret de 3 CD, coédité par France Inter et l'INA. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou avec CO2 Mon Amour. Vous écoutez.